بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi jami' al-mustami'in wal-mustami'at. Hayyakumullah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit bienfaisant envers vous. Nous allons poursuivre la série de cours intitulée Sur le chemin de la Hijra. Et dans le cours précédent, nous avions défini la hijra linguistiquement et religieusement. Et aujourd'hui, incha'Allah, nous allons nous attacher à parler du jugement de la hijra. Et mentionner le jugement d'une chose, après l'avoir défini, est un procédé qu'utilisent les savants dans les livres de science. En effet, lorsqu'ils commencent à parler d'un sujet, ils le définissent pour qu'il soit compris. Ensuite, ils mentionnent son jugement, ainsi que les preuves indiquant cela. Et c'est cette méthodologie, incha'Allah ta'ala, que nous allons utiliser dans ce cours. Et concernant le jugement de la hijra, il faut tout d'abord savoir qu'il est de deux types. Le premier, c'est lorsque la hijra est obligatoire. Et le deuxième, c'est lorsqu'elle est recommandée. Et la question, ikhwani fillah, qui se pose ici, et quand est-ce que la hijra est obligatoire? Et quand est-ce qu'elle est recommandée? Et les savants nous expliquent que la hijra est obligatoire lorsque le musulman vivant en terre de mécréance ne peut pas extérioriser sa religion. Mais par contre, s'il peut extérioriser sa religion, alors elle sera pour lui recommandée. C'est-à-dire que s'il l'accomplit, il sera récompensé et aura la récompense du muhajir, c'est-à-dire celui qui a fait la hijra. Mais s'il la délaisse, il ne sera pas châtié pour cela. Et donc nous voyons que le jugement de la hijra dépend si le musulman peut extérioriser sa religion en terre de mécréance ou pas. Il est donc impératif de savoir qu'est-ce qui est voulu par le terme extérioriser sa religion. Est-ce qu'il s'agit d'accomplir les cinq piliers de l'islam? Ou bien est-ce que cela englobe plus de choses? L'éminent savant Cheikh Salih Al-Fawzan, Hafidhahullah, qu'Allah le préserve, nous explique ce qui est voulu par le terme extérioriser sa religion. Il dit, Hafidhahullah, je cite, extérioriser sa religion ne consiste pas à ce qu'il te laisse prier et adorer Allah. Mais cela consiste à proclamer que l'islam est la religion de vérité et que toutes les autres religions sont caduques et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à toutes les créatures le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que toutes les législations ont été abrogées par la législation islamique et que la personne appelle à l'islam. Ceci est l'extériorisation de la religion. Et en ce qui concerne le fait qu'il te laisse jeûner et prier, ceci ne rentre pas dans l'extériorisation de la religion. Fin de citation. Et donc au vu de la parole de l'éminent savant Cheikh Salih Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, on comprend qu'il n'est pas visé par l'extériorisation de la religion le simple fait de pratiquer sa religion, mais plutôt il est visé par cela appeler les gens à l'islam et proclamer son désaveu envers les mécréants et les polythéistes. Et quand bien même il s'agirait seulement de pratiquer sa religion en terre de mécréance, le musulman serait quand même dans l'obligation de faire la hijra. Car en règle générale, le musulman en terre de mécréance ne peut pas pratiquer sa religion comme il se doit. Car il y a certaines choses parmi les fondements de notre religion qui sont très difficiles à appliquer en terre de mécréance. Prenons par exemple le sujet du désaveu. Comme vous le savez, il est obligatoire pour tout musulman de se désavouer du polythéisme et de ses adeptes. Malgré cette obligation, lorsqu'on vit en terre de mécréance, et qu'on est entouré de mécréants, qu'on subit leurs fêtes, qu'on voit la mécréance nuit et jour, et qu'elle est considérée comme normale, le désaveu qu'on doit avoir pour eux et leur polythéisme diminue et finit parfois par être inexistant, car on finit malheureusement par s'y habituer. Beaucoup de musulmans, à part ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde, lorsqu'ils rentreront dans les centres commerciaux pendant la période de ce qu'appellent les mécréants les fêtes de fin d'année, n'éprouveront aucun désaveu pour ce qu'ils voient comme chose contraire à l'islam et au tawhid. Pourquoi selon vous? La réponse: car ceci est devenu monnaie courante. Lorsque le musulman marche dans la rue et qu'il entend les cloches d'une église, quel sera son ressenti? Va-t-il réprimander cette chose? Ou va-t-il trouver cela normal? En règle générale, il va trouver ça normal. Car, comme on dit, cela fait partie du décor. Et ceci est un exemple parmi tant d'autres, montrant que le musulman ne peut pas pratiquer sa religion comme il se doit, en règle générale, en terre de mécréance. Mais il suffira amplement, incha'Allah ta'ala, pour toute personne ayant un cœur prêté à l'attention. Après avoir entendu tout cela, ikhwani fillah, il se peut que quelqu'un se demande quelles sont les preuves indiquant l'obligation de la hijra. Il convient donc de mentionner les preuves à cela, surtout que ceci est la voix des gens de la sunna. En effet, lorsqu'il parle d'un sujet, il mentionne toujours les preuves du Coran et de la sunna. Et concernant la hijra, il y a de nombreuses preuves montrant son obligation. Et nous allons nous pencher sur l'une d'entre elles. Et cette preuve, c'est le verset 97 de Surat An-Nisa, de Surat les femmes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset: إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. الله سبحانه وتعالى dit selon la traduction rapprochée: lorsque les anges prennent l'âme de ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes, ils leur demandent: dans quelle situation étiez-vous? Nous étions impuissants sur terre, diront-ils. Alors les anges diront: la terre n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà bien ceux dont la destination est l'enfer. Et quelle mauvaise destination! Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit au début de ce verset, selon le sens: lorsque les anges prennent l'âme de ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes. Et la question qui nous vient à l'esprit ici est: en quoi ces gens se sont fait du tort à eux-mêmes? L'éminent savant Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit dans le tafsir de ce verset, je cite: ils se sont fait du tort à eux-mêmes, car ils ont délaissé la hijra. Fin de citation. Effectivement, celui qui est capable d'accomplir la hijra et qu'il la délaisse, s'est fait du tort à lui-même ainsi qu'à sa famille. Car il a privilégié la vie présente à l'au-delà, la faiblesse à la fierté. Il a aussi mis en danger sa religion, ainsi que celle de sa famille, au lieu de mettre sa religion ainsi que la leur en sécurité. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ. Il leur demande: dans quelle situation étiez-vous? C'est-à-dire, les anges questionnent ceux qui ont délaissé la hijra. Dans quelle situation étiez-vous? Par quelle chose vous vous êtes différencié? Par quoi vous vous êtes différencié des polythéistes et des mécréants? Et donc, ils répondent à cela par: قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ. Nous étions impuissants sur terre, c'est-à-dire faibles, contraints, opprimés et incapables de faire la hijra. Ils ont donc répondu à la question des anges par une excuse, Mais malheureusement, ils ne sont pas véridiques dans leurs prétentions. Comme l'a mentionné l'éminent savant, Cheikh Abdurrahman, Si'adi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et ceci, ikhwani fillah, pour plusieurs raisons. Premièrement, car Allah subhanahu wa ta'ala a excusé ceux qui sont réellement impuissants dans le verset suivant, lorsqu'il dit إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. À l'exception des faibles, parmi les hommes, les femmes et les enfants, incapables de voyager et ne trouvant aucun moyen, à cela il se peut qu'Allah pardonne, et Allah est clément et pardonneur. Deuxièmement, car s'ils étaient vraiment impuissants, Allah ne les aurait pas blâmés. Et dans ce verset, nous voyons clairement qu'Allah les blâme pour avoir délaissé la hijra. Et ici, ikhwani fillah, j'attire votre attention sur un point important. Si ces gens avaient dit cette excuse dans la vie d'ici-bas, à leurs amis ou autres, ils les auraient cru. Car on doit se baser sur ce qui est apparent. Tout comme certains musulmans aujourd'hui se donnent des excuses et te disent qu'ils ne peuvent pas faire la hijra, alors qu'en vérité ce n'est pas le cas. Ou bien ils te disent qu'ils font les causes pour la hijra, alors qu'il n'en est rien. Malgré cela, nous les croyons, car ici-bas, tout le monde peut prétendre un peu ce qu'il veut. Mais dans l'au-delà, il n'y aura plus de fausses excuses, et il n'y aura plus d'échappatoire, qu'Allah nous facilite et nous assiste. Ensuite, les anges répondront à leurs excuses en disant « قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ?» La terre n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer ? Et donc, ici les anges les blâment et n'approuvent pas leurs excuses. Car comme nous l'avons dit précédemment, ils ne sont pas véridiques. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin du verset « فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا » Voilà bien ceux dont la destination est l'enfer. Et quelle mauvaise destination! Ici, Allah subhanahu wa ta'ala menace ceux qui ont délaissé la hijra alors qu'ils avaient la capacité de l'accomplir. Il les menace par l'enfer. Et ceci nous montre, ikhwani fillah, l'obligation de la hijra. Car si elle aurait été recommandée, Allah subhanahu wa ta'ala ne les aurait jamais menacés de la sorte. Et donc on tire de ce verset plusieurs enseignements. Le premier enseignement, c'est l'obligation de la hijra. Le deuxième, c'est la lourde menace qui pèse sur celui qui délaisse la hijra alors qu'il est en capacité de l'accomplir. Cheikh Abdurrahman Ibn Sa'di dit à ce sujet, ceci est une menace sévère pour celui qui délaisse la hijra alors qu'il est en capacité de l'accomplir jusqu'à ce qu'il meure. Fin de citation. Le troisième enseignement, le délaissement de la hijra est l'un des plus grands péchés pour celui qui est en capacité de l'accomplir. Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, dit à la fin de ce verset, il y a dans ce verset une preuve que la hijra est l'une des plus grandes obligations et que son délaissement est l'un des plus grands péchés. Allahu Akbar. Je répète la parole de Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di. Rahimahullah, rahmatan wasi'a. Il dit, je cite, « Il y a dans ce verset une preuve que la hijra est l'une des plus grandes obligations et que son délaissement est l'un des plus grands péchés. » Fin de citation. Et le quatrième enseignement, l'obligation d'être franc avec soi-même dans cette immense adoration et de ne pas se trouver des fausses excuses, car tôt ou tard, cela risque de se retourner contre nous. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.